Salve Regina. Article extrait de la revue Itinéraire, écrit par le révérend père Calmel, dominicain, pour la fête de l'Immaculée Conception. Satan ne respecte rien. Il s'attaque à tout et à tous. Il essaie de corrompre tous les hommes et de les perdre tous. Or, il est une créature, une femme, qu'il a été obligé de respecter et de respecter totalement. Non seulement il n'a pu l'inciter au péché, à aucun péché d'aucune sorte, mais encore cette créature de notre race, cette femme bénie, a été préservée du péché originel. Les images de pureté, de candeur, d'émerveillement que nous offrent les petits et qui peuvent être extraordinaires, restent quand même très loin de la pureté et de la candeur de la Sainte Vierge. En elle, notre race humiliée et abîmée a été relevée extraordinairement, car le démon n'a pu l'atteindre ni l'abaisser d'aucune manière. En elle, la femme qui trop souvent n'est pas respectée par l'homme et qui se prête par faiblesse ou par dépravation à n'être pas respectée, en Marie, la créature féminine, a été divinement réhabilitée. Dieu se l'est réservé. Il se l'est réservé d'abord en ce sens qu'il n'y eut jamais quelque chose dans sa pensée et dans son cœur qui fût indigne de Dieu. Serait-ce involontairement en vertu des conséquences de la faute héréditaire. Mais d'une autre façon, Dieu se l'est réservé en lui inspirant de ne pas se donner en mariage, de se garder pour lui seul corps et âme parce qu'il voulait en faire sa mère. L'autonomie corporelle de la femme, cette liberté transcendante qui lui fait renoncer à cause de Dieu au mariage et à la maternité selon la chair, c'est en Marie qu'elle s'est manifestée tout d'abord. L'autonomie corporelle de la femme afin que son âme soit plus libre dans le Seigneur, plus librement donnée à son amour. Marie a fait comprendre à toutes les générations que la femme pouvait ici-bas vivre pour Dieu seul, pour son amour et son royaume. L'amour de Dieu pour le genre humain a quelque chose de confondant. Lui, le Dieu très haut, il s'est fait homme comme nous. Lui, le Dieu très saint, il a pris la condition du pécheur. Or, il faut le remarquer, du fait même de son abaissement et de son incarnation, il élevait une femme, bénie entre toutes, à devenir sa mère. Avant de se donner à tous les hommes et pour se donner à eux, il se donnait d'abord à sa mère. Il a aimé les hommes non seulement au point de se faire l'un d'eux pour les sauver, mais d'abord au point de se choisir une mère digne de lui. Par le fait même, il consacrait sa virginité. Non que le mariage soit mauvais, mais celle qui allait devenir mère de Dieu, comment penser qu'elle eût pu se donner en mariage ? Il fallait qu'elle soit toute réservée pour Dieu. En se faisant homme, en se donnant à Marie comme son fils, Jésus-Christ n'a pas diminué la virginité de sa mère. Il l'a consacrée. On voit, on a quelquefois le réconfort inoubliable de voir des êtres lumineux traverser la vie en échappant au commun des astres, aux communes des fêtes. Je ne veux pas dire qu'ils ne sont pas sujets à la souffrance et aux persécutions, aux calomnies et aux injures, mais en les voyant, on pense, on ne peut éviter de penser, à une tendre victoire, à une victoire irrépressible qui demeure présente parmi nous et qui va son chemin. On est sûr que rien ne pourra l'atteindre, cette victoire, rien ne pourra l'abaisser, la dévier, la gâter. La destinée d'une Jeanne d'Arc parmi les sceptiques, les soudards et les traîtres. La destinée d'une petite Thérèse parmi les mesquineries et les complications de l'égoïsme en vase clos. La destinée d'une Sainte Agnès ou d'une Sainte Catherine évoqueront toujours pour nous, au milieu des misérables batailles de tant de vies misérables, le passage inespéré de la douce victoire de la noblesse de Dieu. Or, la victoire de ces saintes ne saurait nous donner qu'une image très lointaine de celle de Notre-Dame. Lorsque nous prenons conscience qu'elle est exempte de toute ombre de mal, toute réservée pour Dieu comme Vierge et Mère, toute tranquille en Dieu et accordée à son Fils dans la trame d'une vie sujette à quelques épreuves et terminée par quelle passion ? Lorsque nous entrevoyons la pureté et la sainteté de Marie tout le long de l'Évangile, nous sommes sûrs qu'elle est à jamais, au milieu de l'humanité malade et disgraciée, la victoire de Dieu, la manifestation toute puissante de sa lumière et de sa miséricorde. Il suffit de la regarder pour comprendre que c'est Dieu qui est plus fort et que c'en est fait, quoi qu'il y paraisse, de Satan et du péché. Elle est cette femme bénie entre toutes que les générations ne cesseront de saluer et d'acclamer depuis le salut de l'ange Gabriel et de la cousine Élisabeth. La femme bénie, puissions-nous entrevoir ce que cela signifie dans nos relations avec Dieu. Les dons particuliers à la créature féminine, cette intuition immédiate et globale, cette patience, ce silence lumineux et si éclairant, cette douceur, ce privilège d'alléger, de purifier et d'équilibrer, ce privilège surtout d'éveiller purement la véritable vie. Enfin, tous les dons particuliers à la créature féminine sont renfermés en Notre-Dame avec une qualité de perfection ineffable. Eh bien, la vie spirituelle des enfants d'Adam, l'apparition, la croissance et souvent la résurrection de cette vie spirituelle est une réalité infiniment mystérieuse. Pour lucide que soit quelqu'un, que sait-il de son propre cœur ? Que sait-il concrètement de la vie et des mœurs divines ? Certes, il doit se prendre en main pour vivre selon Dieu et se donner à Dieu. Il ne sera pas fidèle sans lui et en dehors de sa propre coopération. Mais qu'il faudrait être présomptueux et même grossier pour imaginer qu'on saura se prendre en main comme il faut et accueillir la vie divine d'une manière convenable. On voudra se corriger et on sera inhumain. On voudra patienter et on se fera complice. On voudra aider ses frères et on les entravera. On voudra les mettre au large et on les laissera glisser. Dès qu'il est question de la vie divine, quel chrétien en général et quel apôtre en particulier n'a compris qu'il n'y entendait rien ? C'est une réalité trop délicate, trop simple, trop mystérieuse pour avoir la moindre espérance de s'y adapter, si peu que ce soit en dehors de l'invitation, des lumières et de l'action de la femme bénie entre toutes les femmes. Il suffit d'avoir senti à la fois notre impuissance dans les réalités de la vie divine et ce que deviennent les qualités de la femme dans le cœur de la femme bénie, qui est vierge et mère de Dieu, pour se réfugier auprès d'elle et pour attendre d'elle seule la grâce de vivre selon Dieu et son Fils Jésus-Christ. On nous en attendit, ô reine des apôtres. Nous n'avons plus de goût pour la péroraison. Nous n'avons plus d'autel que ceux qui sont les vôtres. Nous ne savons plus rien qu'une simple raison.